Bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence. L'émission Nuisance avec un peu de retard à cause de formalités à remplir sur le bord d'un vernissage actuellement en disposition, donc au 40 rue Alfred Duméril ou au 40 rue Alfred Duméril, donc au 31 400, pardon, Toulouse, en France. Donc. Nous allons commencer donc cette session improvisationnelle en mix radiophonique par un vinyle donc assez mal connu, mais qui devrait nommer ou nominer peut-être des bruitesques événements. Un ciel, qu'ai-je dit ? Les bruits du cœur, prise 1, test. Le disque que vous entendez, édité par le laboratoire Lafon, est le premier d'une nouvelle série consacrée à l'auscultation cardiaque. La majorité des médecins, il faut bien le dire, ne retire de l'auscultation qu'un nombre restreint de renseignements, persuadés que des informations plus précises sont difficiles à obtenir et n'ont pas un intérêt pratique qui justifie leur recherche. Une telle façon de voir n'est guère défendable. L'audition de ce disque et des suivants vous en convaincra. Quant aux difficultés d'une auscultation correcte, beaucoup en fait se trouvent aplanies dès que l'on se place dans des conditions techniques appropriées. La première condition est d'employer un stéthoscope convenable permettant de capter à la fois les bruits et les souffles d'une intensité suffisante, puis de les transmettre à l'oreille sans affaiblissement notable. En ce qui concerne les capteurs, les meilleurs sont les pavillons à membrane. Les pavillons à chambre parabolique, très en vogue, favorisent l'audition des bruits sourds, comme les roulements et les galops. Les pavillons à chambre très plate et à fond ondulé favorisent au contraire la perception des souffles diastoliques et des claquements. Une bonne conduction acoustique, seconde qualité requise, implique avant tout l'absence de toute fuite et plus particulièrement une obturation parfaite du conduit auditif. On veillera donc à ce que les embouts olivaires, souvent trop volumineux, aient une taille adéquate, que le ressort de la lyre ait une tension convenable et que le tube de raccord soit suffisamment souple. En plus de l'emploi d'un instrument réunissant toutes ces qualités, l'auscultation réclame une attention auditive soutenue. Une telle concentration ne peut évidemment être obtenue sans un réel effort personnel et un profond silence. Quant à la façon de conduire l'auscultation cardiaque elle-même, elle devra s'inspirer des quatre préceptes suivants. Le premier est d'examiner le malade dès qu'il est allongé, car une partie des signes stéthacoustiques vont s'atténuer et ne retrouveront plus leur intensité initiale. Le deuxième est d'explorer systématiquement toute la paroi thoracique antérieure, espace par espace, puis l'aisselle gauche, la base du cou, l'épigastre et le dos. Le troisième est d'ausculter le sujet non seulement dans le décubitus dorsal, mais aussi dans le décubitus latéral gauche, en position assise et debout. Le quatrième est la période d'apnée expiratoire, car certains bruits et certains souffles subissent au cours du cycle respiratoire d'intéressantes modifications de leur intensité ou de leur chronologie. Avant d'aborder l'étude clinique des bruits normaux du cœur, puis de rappeler comment il se situe au sein de la révolution cardiaque. On sait que les valves cardiaques se ferment quand la pression devient plus forte. Et qu'elle s'ouvre dans le cas inverse. À l'état normal, seule leur fermeture est à l'origine d'un bruit. Le premier bruit est dû à l'occlusion des valves auriculo-ventriculaires. Le second à celle des sigmoïdes. Mais, comme dans les cavités droites, la fermeture des orifices se produit avec un léger retard, chaque bruit se trouve formé de deux composantes accolées, mitrale et tricuspidienne pour le premier bruit, aortique et pulmonaire pour le second. Le foyer d'intensité maxima de chacune de ces composantes, son intensité relative par rapport aux autres et sa propagation sont sujets à de grandes variations qui tiennent à plusieurs facteurs, les plus importants étant d'ordre anatomique. Compte tenu de ces remarques, on peut caractériser ainsi les quatre composantes fondamentales. La figure 2 vous permettra de suivre plus facilement nos explications. La composante mitrale du premier bruit est souvent le... Son maximum siège à la pointe. Elle se propage dans toutes les directions, mais est perçue de façon inconstante à droite du sternum. La composante tricuspidienne a son foyer principal d'auscultation au quatrième ou au cinquième espace gauche. Elle est d'intensité modérée et se propage surtout à la pointe. La composante aortique du second bruit est celle qui présente les variations les plus importantes. Son maximum est souvent à gauche du sternum, dans le troisième ou le quatrième espace. Aussi est-elle fréquemment prise pour la composante pulmonaire. C'est surtout lorsque l'aorte est déroulée ou déplacée vers la droite que son maximum siège au deuxième droit. Chez les jeunes, son intensité à pointe est aussi forte. Au deuxième ou au troisième espace gauche. Elle se propage élective vers le bas. Le long sternum. Son irradiation à droite est faible ou nulle. Sa perception à la pointe ne s'observe que s'il existe une hypertrophie ventriculaire droite. Nous sommes en train d'écouter les sons du cœur et un catharsis en 2001. Du premier environ. Et du second bruit. Sont confondus et d'autres choses ou étroitement accolés. Accessoires de nettoyage se trouvent en exposition. On trait aux bruits normaux et à leurs modifications d'intensité. De la structure du facturé, mais ça, ça concerne une partie du thème et une petite question. Rumeur d'estropie. L'assourdissement des bruits du cœur. Tendité. Myocardique. Un épanchement péricardique. Au printemps. En est souvent plus banal. L'emphysème pulmonaire, par exemple. Renvoi de râle. Comme dans le cas suivant. Thank you. l'âme astrale déchue. Inversement, la tachycardie entraîne une accentuation des bruits du cœur. Songe tendanciel. Le renforcement permanent d'un seul des deux bruits a une valeur séméiologique beaucoup plus grande. L'éclat permanent du premier bruit évoque, nul ne l'ignore, une sténose mitrale, surtout si le rythme est régulier. Retour du refoulé lait. N'existe jamais isolément. Nous y reviendrons. Quant à l'éclat permanent du second bruit, il s'observe principalement dans l'hypertension artérielle, qu'elle soit systémique ou pulmonaire. Il est dû au renforcement de la composante aortique dans le premier cas, à celui de la composante pulmonaire dans l'autre. Les quatre fragments suivants ont été enregistrés aux quatre foyers classiques d'auscultation chez une hypertendue de 30 ans. Au deuxième espace droit, le second bruit est anormalement intense. Son timbre est plutôt xyloïdien. Ce n'est donc pas un clangor. Au deuxième espace gauche, le second bruit est encore plus fort. Oui, le deuxième espace gauche. Quatrième espace gauche. À la pointe, l'intensité du second bruit reste supérieure à celle du premier. Le renforcement intermittent affecte essentiellement le premier bruit. Il se produit dans deux circonstances principales. La première est l'accélération transitoire qui s'observe dans la rythmie respiratoire, au cours des salves d'extrasystole et dans l'arythmie complète. L'exemple suivant concerne une arythmie complète solitaire. Ta mère. Oui, ma mère. Pardon. La seconde cause de renforcement intermittent du premier bruit est la bradycardie par dissociation. Amalgame. On notera, contrastant le bruit de canon, l'assourdissement des autres bruits dû à la bradycardie. Association nationale crématiste. 12 rue Feutrier, 75 000 Paris. Thank you. something going on. I just don't know what it is. There's something going on. Présemment que l'on observe une non-changeance en permanence, tout à fait à jamais oblitérée, donc la cassure que nous avons prévu tout à l'heure de ne pas faire en l'occurrence. Nous allons apparemment passer à autre chose de complètement différent, mais qui semble ne pas changer finalement grand chose à la même chose qui se passe depuis présentement quelques instants. Comme je disais, en apparence, les choses ne tournent pas rond, demain, menées, qu'elles ne sont pas. Notez, la cigogne a quitté le nid. La cigogne a quitté le nid. Le militantisme ne se fera plus. Ici, à partir de maintenant, il se fera sur les places publiques. D'accord, président. Et pourtant, à jamais, l'incandescence et fulgence, les limitrophes nomenclaturées, inassurables et tout oblitérées, démence et pénon, non, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas le dire. Mais pourtant, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées vers le ciboulot même. Et c'est vrai ce que je dis. Vous êtes sur Canal Sud. Il est 21h. C'est Nuisance avec plusieurs invités qui se présenteront si jamais ils le souhaitent ou elles le souhaitent. Avec des compositions diverses et variées, nous allons pouvoir nous clôturer le sort, empaquetés que nous sommes, dans un carton. tireras donc qu'une latte, pas une de plus. Si tu me mens, je te nommerai président. Pour toi, j'ai prévu que le cri serait la seule solution obscure. Antiste ou pas? Tristesse? Antiste ou pas, les trucs, les conneries là, des bouddhistes là, là, les stupas. Oui, mais je le dis de façon bizarre. Donc de dire des choses de façon bizarre, ça fait tout de suite poétique, tu comprends? Je sais qu'un poète. Tu comprends la poésie, petit bonhomme? La poésie, petit bonhomme. C'est ça. Ça me coûte énormément de t'écouter, mais je ne cesserai de ne m'ébahir que jamais, un temps soit peu, soit tout le temps la même chose, jusqu'à maintenant. Tu comprends? Tu veux j'arrête? Toi, tu m'as appelé Jacques? On va se calmer déjà, direct. Hein. J'arrête, Ah, t'es Jared? Là, je suis vachement Jacques en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as pas de famille, quoi. Je suis sans famille et je m'en porte pas plus mal. Je m'en porte pas plus mal. C'est ça, vas-y, on est en colonie vacances. Je m'en porte mieux même depuis que je suis en famille. Je suis sans famille et j'ai des potes. Et maman, j'étais pas avec des potes, j'étais avec la famille. Ouais, c'est ça. Hey, les kids, c'est bientôt les vacances. Il vous reste encore une chance de ne pas vous rater, quoi. Ouais, allez vous jeter dans la Seine, à ce moment c'est les inondations. Vous aurez vachement plus de chances d'arriver au but. Non, faut pas leur dire comme ça, faut leur, tu sais, leur évoquer la chose, tu vois. C'est bon. Évoquer. Reste poétique, mec. Ah. Tu veux dire que je parle comme le Vatican? Non, tu parles comme t'écris, mec, tu respires. Ouais, respire. Ouais. Tu sais, je suis pas en apnée, sinon je serais déjà mort. Moi, je suis pas en apnée non plus, je suis pragmatique. Tu comprends, pragmatique? Pragmatique, nous voilà. On y est presque. Pragmatique, et là, c'est bon. Et tu sais, tu me parlais de Cosme, mais ça me fait penser au caca. Le caca de Jean-Louis. De Jean-Louis, spécial dédicace, Jean-Louis. Allez. Salut. Le caca, ouais, mais le caca. Non, ça fait plutôt Arto, non? Ah ouais, les mecs qui aimaient les chats et la piste de chat. Ils aimaient la piste de chat? Je sais pas, il y avait plein de chats, il paraît. Ah, les chats. J'ai compris autre chose. C'était genre une mémère à chat, Arto. Charclo. Charclo, tu dois connaître. Ouais, c'est pas parce que je suis une raclure. T'es pas un peu dingue, toi. C'est pas parce que je suis une raclure qu'il faut me prendre pour un cocaïnomane tout de suite. Ça y est, là tu vas te décompenser. Décompenser, penser moi, jamais. Encore ouais, moins des cons. Si tu repenses, arrête de dépenser. Je pense pas les cons moi, tu vois. Arrête de dépenser. Je pense les gens bien, tu vois. Ouais, je suis comme ça moi, tu vois. Et puis, je sens la patate. Je trouve. T'as remarqué que tu ressemblais à une patate? T'as remarqué que tu ressembles à une patate? Une patate chaude? Y a pas de date? de faire une annonce. Le petit Jérôme a perdu sa maman au bar. Cocktail, le Moloco ce soir. À partir du 3 janvier donc 2016. Vous pouvez retrouver de la lumière noire, de l'ultraviolet, maquillage fluo. Moloco bar. Italo Disco Wave House. Et synthé pop aussi. Moloco Plus Bar. Bar Cocktails. Vendredi 3 juin 2016, ce soir. Soirée synth pop. Italo Disco Wave House. Avec de la lumière noire, de l'ultraviolet, du maquillage fluo. Une art web de Team. Allez-y, n'y allez pas. passion qui disait incantation, pour jamais divinatoire, tétot. Je voudrais dire que cette émission à débat donc est un peu close, clôturée même, et on va peut-être éteindre la lumière, tout simplement. Parce que la lumière, finalement, on n'a rien à battre. La lumière dans cette émission, ça n'a rien à voir. Nuisance, c'est pas ici pour amener de la lumière ou de la beauté sur les gens, genre le monde est beau et tout ça. Non, nuisance, c'est plutôt le contraire. C'est le monde s'est haché, on n'a rien à foutre, on fait quand même. On fait quand même quoi? On fait quand même caca. Ouais, et ça commence depuis des années et ça continuera jamais, jusqu'à jamais à présent, je veux dire toujours quoi. Voilà, pour c'est ça, comme une antenne sur cette antenne. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire des fois, mais c'est pas moi qui l'ai dit, donc ça tombe bien, j'ai pas à me responsabiliser par rapport aux propos de mes cohabitants planétariens, n'est-ce pas? Donc Sacco et Vanzetti sont morts, et le Doom, eh ben, c'est l'enfer. Le Doom-Doom? Le Doom-Doom, le Jumbe Fola, qu'est-ce qu'ils font là? On sait pas. Et pendant ce temps-là, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées, toujours du cirolo. Et un connard tape du speed sur une planche à pain. Pendant que ce temps-là tourne, les choses sont et en sentant. Arrête, tu m'éblouis. Les sentences. Arrête, tu m'es ébloui avec ta lumière. Des tombes et des sorciers, mages, sorcières, magiciennes. Et leur passe. Et leur rat. La trotteuse trotte. Eh ben, toutes ces choses-là. Elle est passée par 12. On s'en fionte. Elle arrive à 1. On s'en pense pas, je ne suis pas le... Allez, allez, allez, 2. Va mourir un jour. Allez, rassurez-vous, un jour, tout sera fini. 3. Il n'y aura plus à supporter de débilitance pareille sur une antenne. 4. Libre ou mourir. Oui, le choix est fait. 5. Tu sais que c'était demain qu'il fallait mourir. 6. Ouais, c'est prévu, ouais, j'ai vu sur le planning de semaine, là, on va mourir deux fois cette semaine, bah 7. Toi et moi, quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire après ça, quoi. Je sais pas, c'est les bénéfices, tu sais, les sains bénéfices, et c'est le profit, tout ça, c'est ce qu'on veut, finalement, on veut du blé, tu sais, dans notre poche pour nourrir nos gamins, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il va falloir qu'on meure pour ça, quoi. Ouais, 10. Quitte à mourir pour quelque chose, autant mourir pour quelque chose, je veux dire. Mais pour ça, quoi. Ouais, je sais, ouais, mais 11. Bon... Tu sais, sinon les gamins ils vont pas crever, quoi, ils vont mourir, je veux dire, enfin un jour c'est sûr, mais je veux dire ils vont pas manger, quoi, ils vont pas manger en attendant. Ouais, mais c'est con quand même, parce que si on n'est pas là pour s'en occuper des gamins et pour leur dire merci d'être là, 2, pardon. C'est un peu con, quoi. Ouais, mais on s'en fout, parce que finalement Nuisance c'est là pour ça, c'est là pour faire chier et qu'on a l'émission qui nuit au sens. Qui nuit au sens, et l'émission de toutes les nuisances. Donc finalement, au final, je veux dire, vraiment, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est important que je sois un capitaliste ou un anarchiste? Non, ça n'a aucune importance. Et là, les auditrices, elles appellent pas? On s'en fout. Et toi, t'es un lecteur ou un auditeur? Ah non, mais c'est vrai, ici, c'est une radio politiquement correcte, en tout cas pas sexiste. Il n'y a pas que les mecs qui peuvent appeler. Hein. Ouais, bah quitte à parler de quelqu'un, autant parler de 20h. Dans le journal. De 20h de travailleurs de travail d'intérêt commun? Non, je parlais de Sacco et Vanzetti, mec. Sacco et Vanzetti. Ça me rappelle une chanson de John Baez. Oui, mais... Quand j'étais petit, j'étais ado, j'étais hippie. C'est vrai, un peu, je le confesse. Et j'écoutais les chansons de John Baez. Mais ça, il y a le secret de la confession, mec. T'es en plein... T'es public, là. Tu te rends pas compte, ah, quoi. C'est vrai, pas logique. Il y a des gens qui vont en soirée, là, à Shanghai, et toutes ces boîtes géniales. Et ils y vont, là, tout de suite. Et ils tu sont en train de se dire, on va écouter de la musique bien pour se mettre en ambiance. Et ils tombent sur un connard qui leur déblatère des âneries tout en permanence. Et c'est pas sur toi le connard. Toi, t'as raison de faire la confession. C'est important, la confession. C'est un pur bar. La confession, c'est important. C'est important. Parce que déjà, par principe. Par principe. Ensuite, jeudi 9 juin. Mais faut annoncer. Bah, c'est un flyer. Jeudi 9 juin. C'est un tract. Voilà. Jeudi 9 juin à Saint-Cyprien. Au Ravelin. Le bar Le Ravelin. Et ben il y a Doom. Boom. Pardon. Il y a Boom qui est du fastcore power violence. Il y a Sacco et Vanzetti qui est du pure boîte à rythme. Voilà, ouais, il y a du punk. Ouais, ouais, il y a du fastcore. Du fastcore. Il y a du power violence. Du power violence. Il y a du punk. Du punk. Le jeudi 9 juin 2016. N'écoutez pas mon ami, il est aigri car il était anciennement hippie. Tout le monde sait que les hippies sont devenus aigris. Ah bah c'est à cause de la cam qui sont mis dans les veines. Toujours, si on a fait punk, c'est parce qu'on voulait plus faire hippie. Ouais, c'est la coquine des yuppies, ça, encore. Ah non, à l'époque, c'était des sales cons. Hein. Non, mais moi je suis né, c'était en plein période yuppie, quoi. Et les yuppies, on les connaît, quoi. Ils ont plein de coques dans les narines, c'est dégueulasse. Ça fait tâche. C'était les néandertals des teufeurs. Néandertaux. Les yuppies. Les néandertaux. Ils sont costard-croate, mais après ils ont transmuté en teufeurs. Les néandertolards. Tout ça pour qui? Pourquoi? Pour ça? Pour ça? Oui? Oui? Oui? Oui? Oui? Oui? Oui? Oui? Non mais on peut pas le dire assez souvent. Il faut absolument cesser tout ce capharnaüm. Le débile n'est pas du signe de l'intelligence pure. Je répète, la cigogne a quitté le nid. Le débile n'est pas signe de l'intelligence. L'intelligence pure. La cigogne a quitté le nid. Épurons l'intelligence. Rendons-nous teubés. Comme ça, au moins, on sera tous égaux. On sera teubés. Et ce sera tout. La radio l'ombre. Toulouse. Or not Toulouse. Mais il n'y aura pas. Ce sera juste Toulouse. Et ce sera tout. On sera tous des perdants, tous égaux dans notre merde, dans notre fange, dans notre violence humaine. Boom, Sacco et Vanzetti, Fastcore, Power Violence et Boom. Ah mais Sacco et Vanzetti, c'est le nom du groupe, j'ai rien compris. Au Ravelin, le Saint-Cyprien, de Saint-Cyprien, ouais, le Ravelin. Ouais. Bar, sûrement, je crois, le jeudi 9 juin 2016, à partir de 20h. Vive la Power Violence. Sinon, nous, on est sur Canal Sud, 92.2. Il est à peu près 22h05, vous écoutez les ondes de Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance. L'émission qui nuit au silence. L'émission de... merde. De merde, ouais, ouais, de merde. L'émission de merde. Merdance. Merdance. Thank you. Oh! images sont manifestées à l'homme. C'est ce que je pensais justement, et j'allais justement en parler. Quoi. Donc, dans l'image de la lumière du Père, elle se dévoilera et son image sera cachée par sa lumière. Matin, demain soir, à midi, à minuit. Hein? Il est 2 heures, il est 3 heures. Je peux pas écouter de la musique normale comme tout le monde. J'ai l'impression que vous gâchez les oreilles des gens avec votre merde. Mais si c'est pas possible, faut arrêter. Thank you. There is something going on. I just don't know what it is. Thank you.

woods. Can't tell no one. Showing us that was all fun. I sit down in the chest, slip off my knickers, and hitch up my spur. I inch forward until I can feel the length of his cock pressing right up against my vagina. When he's fully erect, the tip of his cock slips up at least a couple of inches above my thighs. This is definitely a position my size does count. I love to masturbate my penis. I look at the big cock sticking up between my thighs, and I imagine that it belongs to me, as all mine, to do with as I want. I take hold of the skin just below the big purple head and begin jerking it up and down between my fingers. This vibrates the cock up against my clit in a way I find very arousing. At the same time, I contract and relax my vaginal muscles in the same rhythm as I'm tossing off this cock of mine. And let's do this so it really does feel like it's my own cock being tossed off. The feelings and sensations are just the same as if my own air vent was inside that cock.